Les grands feuilletons de France Culture. Le mystérieux docteur Cornelius. Vingt-quatrième épisode, une ronde de nuit. Alors que l'Ariel, commandé par Lord Buridan, fait route vers l'île des Pendus, ainsi que la Revanche, ayant à son bord les Français qui sont prisonniers de Slug, le professeur Bondonna lui a réussi à s'évader en faisant croire à sa mort. Il a en effet découvert dans le laboratoire secret du docteur Cornelius son propre cadavre, remarquablement imité par le sculpteur de chair humaine. C'est ce cadavre qu'il a laissé derrière lui en s'enfuyant de l'île avec son ami le Cosaque Rapopoff. La mort de Bondonna est un coup dur pour le nouveau gouverneur de l'île des Pendus, le commandant Montgomery. D'ailleurs, ses ennuis ne font que commencer. Il vient de recevoir dès lors de la Main Rouge l'ordre de mettre la garnison en état d'alerte, car l'île serait sur le point d'être attaquée. Le capitaine Montgomery! Silence, les trois! Oh, Montgomery, qu'est-ce qui se passe? T'as encore fait des cauchemars cette nuit? Silence! Abrouille-toi! Il y a nos femmes à poil qui nous attendent! Regarde! Laissez-le donc parler! Camarades! Silence! Camarades! La situation est grave! T'as plus de whisky? Ça suffit, silence! Silence! Je ne plaisante plus. Je viens de recevoir un message de l'ordre. Et c'est pour ça que je vous ai réunis. Merde. L'île des Pendus risque d'être attaquée d'un moment à l'autre. Alors finis de le laisser aller, Père Marling. À vos ordres, commandant. Vous allez vous charger de placer des sentinelles à tous les points stratégiques de l'île. Bien. Moller. Je suis là. Prends 10 hommes avec toi. Et va immédiatement voir si les mines et les torpilles sous-marines n'ont pas été emportées par les courants. Jackson! Oui? Jackson, tu réunis les artilleurs et vous vérifiez que toutes les batteries sont prêtes. Biway! Oui? Assure-toi que les casemates sont bien fournies en munitions! Ouais. Vous avez tous bien compris! Dis donc, Montgomery, qu'est-ce qu'on fait du corps du professeur Bondonna? Bondonna! On s'en occupera après! Quelle nuit! Pas une seule étoile. On ne voit rien du tout. C'est sûrement pas cette nuit qu'on sera attaqué. Tout a l'air calme. Dis donc, malheur. Tu as vu là-bas? Au large. Cette lueur. Mais quelle lueur! Non, je vois rien. T'as l'air trop nerveux, Montgomery. Une immense main rouge de feu tendue vers le ciel qui occupe tout l'horizon! Je rêve ou quoi? Allez, viens. Allez, viens, allons-nous-en, je veux pas rester ici une minute de plus. Viens, partons! Non, non! Non, non, il faut rester. Il faut qu'on voit ce que c'est! Ça, au moins, je sais ce que c'est une de nos torpilles qui saute! Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Toutes les torpilles qui entourent l'île ont sauté! C'est pas possible! Nous sommes flammés! Tout le monde à son poste! Tout le monde à son poste! Regarde le Moller! La main de feu a disparu! Nous sommes maudits! Regarde! Dans les nuages! Tous ces diables rouges qui nous tombent dessus! Le ciel est en feu et plein de monstres! Les lords de la main rouge ont sûrement fait un pacte avec le diable. Et maintenant, nous allons tous être emportés, l'île avec, dans le fond des enfers. Sauf qui peut, les gars. Les gars. Reste à vos postes, bande d'imbéciles. Mais non, mais vous ne voyez pas le bateau qui s'avance vers le port? Regardez. Allez, camarades. Nous avons des armes et des munitions à l'abondance. L'ennemi n'est pas de taille à lutter contre nous. Mais écoutez pas, camarades. Allons, courage. Vive la main rouge. Vive la main rouge. Allez, mettez les batteries en action. Nos obus sont trop loin et leurs canons sont plus puissants. Le bateau est presque dans le port, regarde. Il y a deux canons pour Edam qui viennent de débarquer. Ennemis ne sont pas surnaturels. Attention! Tenez-vous prêts! Ils vont nous attaquer! Allez, Oscar, sonne la charge. Feu à volonté, en avant! Baïonnette au canon! Attention! Vous êtes prêts? Feu! Ils reculent! Courage! Sortez pas de vos abris. Laissez-les essayer une deuxième attaque. Cette fois-ci, nous ne nous laisserons pas arrêter. Il faut coûte que coûte déloger les trompes de cette hauteur. À vous, le corinthien. Bon Dieu, les sages, attention. Bravo Robertson! Allez, tape dessus, mon vieux Macoco! Et un trompe pour Goliath! Un! Allez, vas-y, Clou, encore deux têtes! Vas-y! Vive la mer rouge! Vive les lords! Allez, rendez-vous! Vous n'êtes plus que 10! Jamais! Bravo Goliath, tu l'as bien assommé! On s'en tirait plus. Enfin. Très bien. Allez, Macoco, Cambo. Ligotez ces prisonniers et allez les mettre au fer sur l'Ariel. Ah. Ah, voilà ce qui s'appelle une vraie bataille, hein. Ah, si j'avais souvent des journées comme celle-là, je crois que ma neurasthénie aurait vite fait disparaître. Eh ben, qu'est-ce que tu veux, pistolet? Il veut peut-être que nous le débarrassions de son harnachement. Sûrement pas, regardez. Il nous fait comprendre que nous n'avons pas le droit de nous reposer avant d'avoir délivré M. Bondonna. Ah, c'est juste. Courons vite au laboratoire. Monsieur Bondonna? Monsieur Bondonna! Ils l'ont tué. Nous sommes arrivés trop tard. Mais pourquoi? Pourquoi? Regardez. On dirait qu'il sourit. Il a presque l'air heureux comme ça. Oh, mon pauvre pistolet. Bon, ben. Faut pas le laisser partir comme ça, Oscar. Tiens. Et toi aussi, Clum. Aide-moi à le porter sur le lit. bandits l'ont assassiné pour se venger. Quand ils ont compris que tout était perdu. Pourquoi se coupe-tu la tête, Oscar ? Bah non, c'est pas ça. Bah regardez, il y a longtemps qu'il est mort, monsieur Bondana. Il a même été embaumé. Mais c'est vrai. Mais pourquoi ? Pourquoi ? C'est incroyable. Pistolet, où vas-tu ? Pistolet, reste ici ! Oh, le chagrin l'a rendu fou. Pauvre Pistolet, il a plus sa tête à lui. Oh, laisse-le, va, laisse-le, il reviendra. Occupons-nous d'abord de la dépouille du professeur. Clom, va chercher 4 hommes. Je veux que le corps soit veillé nuit et jour, jusqu'à ce que le charpentier du bord ait construit un cercueil de chêne. Je pense que mademoiselle Frédéric tiendra à ce que les restes de son père reposent dans la terre de France. Oh, pauvre mademoiselle Frédéric, quand elle va savoir ça? Oui. C'est quand même curieux que la revanche ne soit pas trouvée au rendez-vous. Qu'est-ce que vous en pensez, Lord Buridan? J'y comprends rien. Et ce qui m'inquiète surtout, c'est qu'il n'ait répondu à aucun de nos appels télégraphiques. À boire. À boire, par pitié. À boire. Maman, maman, m'abandonne pas. Ma jambe. Ma jambe, j'ai mal. Aïe, arrêtez. Vous me faites mal. Mais il faut que je finisse votre pansement. Là, là, comme ça, c'est fini. Ça va mieux? Oui. Je suis sûre qu'après, vous n'aurez plus mal. Merci. Régine. Régine, mais vous êtes toute seule pour soigner ces blessés? Vous êtes vraiment admirable. Il faut bien que je me rende utile à quelque chose, Oscar. Vous voulez que je vous aide? Bien volontiers. Regardez, il y a encore tous ces blessés à soigner. Les 2 matelots là, le 30 qui a le bras cassé. Oh, quelle horrible chose que la guerre. Tous ces gens mutilés pour le restant de leurs jours. Et tous ceux qui sont morts. Oh, c'est affreux. Bah, heureusement que Lord Buridan pourra atténuer en partie les désastres causés par la bataille. Il a promis de pensionner largement les veuves et les mères des marins tués, aussi bien que les blessés. Oh, heureusement. Bah, tenez, justement, le voici. Tous mes compliments pour votre courage, mademoiselle Régine. Sans vous, je ne sais pas comment tous ces blessés auraient été soignés. Mais dites-moi, vous avez besoin d'Oscar ? Bien sûr que j'ai besoin d'Oscar. Il sait très bien faire les pansements. Eh bien, alors, je vous le laisse. Mais pourquoi, Milord ? Vouliez-vous m'emmener ? Non, tout simplement faire une inspection de l'île et être sûr qu'aucun de ces bandits n'a pu nous échapper. Bah, non, vous êtes très bien avec Miss Régine. Je vais emmener avec moi les 2 clowns Makoko et Cambo, le prestidigitateur Matalobos et quelques matelots. Chose à bouger dans ces arbres. Braquez vos torches électriques. Oui, là-haut. Dans les feuillages, là. On dirait des singes. Nous sommes peut-être tombés sur une succursale du Gorille Club. Non, ça ne ressemble pas à des singes. Regardez, ces animaux bizarres ont de longs cheveux qui leur tombent sur les épaules. On dirait des femmes à fourrure. Nous sommes peut-être en présence d'hommes préhistoriques. Ce serait une découverte scientifique de la plus grande importance. Il faut à tout prix capturer un de ces animaux bizarres. Je tire assez bien. Je vais essayer de blesser un de ces monstres avec ma carabine. Non, ne tirez pas. Regardez. Oh, je rêve. Il y en a un qui agite un mouchoir blanc. Il vient vers nous. Ne tirez pas. Oh, ça alors, un animal qui parle. Je ne suis pas un animal, voyons. Permettez-moi de me présenter. Stepan Romanov. Enchanté. Prophète du vitalisme mystique. Ah, Et je vous présente mes 10 femmes. Vos femmes? Mais comment se fait-il qu'elles soient velues comme ça? On ne voit même pas leurs yeux. N'est-ce pas? Eh bien, c'est grâce au professeur Bondona. Au professeur Bondona? Oui. Avant sa mort, il nous a fait cadeau d'un élixir capillogène de son invention. Ah, Il a suffi d'un traitement de quelques jours pour obtenir le résultat que vous voyez. C'est extraordinaire. Ce sera la révolution dans les pays civilisés dès que je pourrai y retourner. Vous vous rendez compte? Grâce à cette découverte, l'humanité sera à tout jamais débarrassée des tailleurs, des chemisiers et même des bonnetiers. Oui, c'est intéressant. Pauvre monsieur Bandonna. Quel malheur. Oui, oui, un grand malheur. Mais il sera vengé. J'exterminerai tous les tramps. Pourquoi les tramps? Ce ne sont pas les tramps qui l'ont tué. C'est malheureusement un de nos compatriotes, un misérable cosaque qui l'a dévalisé et a ensuite réussi à s'enfuir. Lord Buridan! Lord Buridan! Lord Buridan, je vous cherche partout. On vient de recevoir un message de la revanche. Ah, voilà au moins une bonne nouvelle. Bah, malheureusement, non. Tenez, lisez le marconigramme que j'ai pu enregistrer. La revanche est tombée entre les mains des bandits de la main rouge. Comment? Montrez-moi ce message. Suis maître du yacht La Revanche malgré révolte à bord. Serai ici dans quelques heures avec prisonniers français. Que 50 hommes en armes soient prêts à m'assister au moment du débarquement. Signé, Capitaine Slug. Ah, il faut répondre, sinon ils vont se douter de quelque chose. Ah oui, en effet, il faut répondre. Attends, je réfléchis. Voilà ce que tu vas répondre. Venez, tout est prêt pour vous recevoir. J'y vais. Le jour se lève. Il ne faut pas qu'il découvre l'Ariel. La première chose à faire est de monter à bord et d'abriter le bateau derrière la falaise. Là, ils ne pourront pas le voir en arrivant. Qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi le capitaine Slug fait-il actionner les sirènes ainsi? Regardez là-bas, une côte. Ah oui. Oh. Slug nous a promis de nous déposer dans la première île venue et de nous laisser aller où nous voulons. Il tiendra peut-être parole, n'est-ce pas, Génor? Oh, cela m'étonnerait. Qu'en penses-tu, Roger? Ah, Frédéric, moi, ça m'étonnerait qu'on puisse faire confiance à ces bandits de la main rouge. Pourquoi tire-t-il le canon? Vous avez entendu? Oh ben, je comprends. On lui a répondu de cette île. Ah, Dorifa, que se passe-t-il? Ah, Dorifa, oh, nous sommes perdus. Slug nous a menti. C'est l'île des pendus que vous voyez là devant nous. Quoi? Mais oui, regardez, là-haut, sur la citadelle, le drapeau de la main rouge. Ah. Oh, c'est horrible. Eh bien, il ne nous reste plus qu'à vendre chèrement notre peau. Oh, Roger, je vous en supplie. N'ayez pas peur, Frédéric. Tuez-moi, si vous m'aimez. Mais... je ne veux pas tomber entre les mains de ces bandits. Oh, Frédéric. Oui, il vaut mieux nous suicider tout de suite. Ah, mais du calme. Tenez, j'ai apporté une longue vue. Vous la voulez, monsieur Ravenel? Donnez-la-moi, mais calmons-nous. Attendez que je règle. Voyons. Mais en effet, c'est bien le drapeau de la main rouge. Hé, il y a au moins une cinquantaine de tramps en arbre qui nous attendent sur la jetée. Oh mon Dieu, nous sommes perdus. Non, au contraire, nous sommes sauvés. Devinez qui je viens de voir à la tête des tramps. Mais dites vite, oui. Notre excellent ami Lord Buridan. Lord Buridan. Absolument. Mais je comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous avez l'air si joyeux tout d'un coup? Eh bien, écoutez, il se passe que l'île dépendue est entre les mains de nos amis. Mais surtout Dorifa, hein, pas un mot à qui que ce soit. Même pas à Pierre Gilkin? Même pas à Pierre Gilkin. Mais vous n'oublierez pas ce qu'il a fait pour vous, hein? Mais bien sûr que non, nous n'oublierons pas, mais ne lui en parlez pas, hein? On ne sait jamais. Oui. Seulement, arrangez-vous pour que lui et ses amis se séparent de nous le moins possible au moment du débarquement. Ah! Allez, debout tout le monde, la plaisanterie a assez duré. À présent, messieurs dames, vous êtes sur les domaines de la main rouge. Ici, vos protecteurs ne vous serviront plus à rien. Allez, tout le monde sur le pont, et plus vite que ça! Frédéric! Y'a quoi de Frédéric? Vous vouliez aller à terre? Eh ben, je vais vous y descendre à terre, moi! Vous voyez? Je suis un homme de parole, moi! Ne me pousse pas, Frédéric! Avancez! Je vais tomber! 10 tramps dans la chaloupe! Ne nous touchez pas, s'il vous plaît. Avancez à descendre. Mettez les prisonniers à l'avant. Allez-y, messieurs, dames, embarquez. Très bien, je vois que vous avez compris qu'il n'était pas nécessaire de faire la moindre observation. Hé, hey, toi, là-dedans, il faut rester ici. Hé, hey, tu crois tout de même pas que je vais me séparer de mademoiselle de Montbreuil, gros, là? Allez, viens, Justine, et emmène tes amis. Je vois que vous êtes tous pressés de faire la connaissance des prisons de l'île des Pendus. Ah, très bien. Allez, il y a assez de monde pour vous recevoir. Ah, tout le monde a embarqué? Eh bien, je vais me faire le plaisir de prendre moi-même la barre et de vous conduire à terre. Vive la main rouge! Ah, charmante croisière, messieurs dames, n'est-ce pas? Souriez, souriez! Hé! Hey, tout le monde descend! Allons-y! Les trompes, partez en avant pendant que j'amarre la chaloupe! Mais c'est pas tout vous, ça. Les Français, suivez-les! Toi aussi, Jilkin! Attention, ils arrivent! On va leur donner une dernière trempe à ces trompes! Vite! Sautez-leur dessus! Ça y est, leurs buridans, ils sont tous désarmés. Hé, hey, hé, hey, les autres, là. Ce grand rouquin et sa bande, tu les as oubliés? Non, laissez-les, ce sont des amis. Oscar, mon petit Oscar, oh, j'ai cru que je ne te reverrai jamais. Oh, moi non plus, mademoiselle Frédéric. Mais où est Slug? Je ne la vois pas. Regardez, il s'enfuit. Mais tirez donc, hein. Ne laissez pas s'échapper. Tirez. Allez, Slug! C'est pas une bonne flancée, hein! Allez, nage sous l'eau le plus longtemps possible! Encore un petit peu! On remonte, bon Dieu, remonte! Respire un coup! J'ai bien pas dit mourir! Oh, elle est pas tombée loin, celle-là. Allez, faut plonger. Oh. Ah bah. Bon. Eh bah, je dois maintenant. Bah. Hein, il tire plus. Ah bon, alors maintenant, il s'agit de décider où aller. Hein. Mais bien sûr, pourquoi j'ai pas pensé plus tôt? Le musée souterrain, fou! Bien malin qui pourra m'y trouver! Allez, en avant! Voilà le rocher. Vite. Sauvé. Ça fait du bien. Bon, eh pas le mieux maintenant, c'est de rester caché ici pendant quelques jours. Ensuite, on volera une des barques appartenant aux Esquimaux et on regagnera l'île la plus proche. J'espère que vous avez apporté avec vous un stock suffisant de fourmières. Ah, 10 millions de dollars. Ça suffira. Ainsi, la main rouge a finalement perdu et la morale est sauve. Mais avez-vous remarqué que même ses amis se sont fait prendre au stratagème du professeur Bondona? Eh oui, eux aussi le croient mort. Mais au fait, qu'est donc devenu le professeur Bondona? Vous le saurez en écoutant la suite du grand chassé-croisé, le mystérieux docteur Cornelius. Prochain épisode, le mystère de l'île de Bazan. C'était « Le mystérieux docteur Cornelius », un feuilleton d'Edith Loria d'après le roman de Gustave Le Rouge. 24e épisode, une ronde de nuit. Avec Pierre Vanek, William Corinne, Maya Simon, Catherine Rouvel, Marc de Géorgie, Jean Saudret, Pierre Rich, Guy Bousquet, Gilles Guillot, Catherine Laborde, Marianne Épin. Musique du générique Jean Vienner, bruitage Louis Matabon, chef opérateur du son Bernard Charon. Collaboration technique Noélie Louis-Marie, assistante Brigitte Bouvier, réalisation Alain Barou. Première diffusion sur France Culture le 30 janvier 1978. À réécouter en ligne ou à télécharger sur le site franceculture.fr à la rubrique de l'émission.